Tout le monde ici a ses petits secrets. Qui aurait cru que chacun mentait? Ils ne nous voient pas, ils ne se méfient pas. Pourtant nous sommes là tout près d'eux. Que caches-tu derrière ta moustache? Il ne vaut mieux pas que tu le saches. Et qu'y a-t-il dans ta tête? Je trouve ta requête bien indiscrète. Personne ici ne se soucie de nous. Nous les petits petits, rien du tout. Pourtant s'ils savaient que l'on sait tous leurs petits secrets, ils nous vénéreraient. Que caches-tu derrière ta moustache? Il ne vaut mieux pas que tu le saches. Et qu'y a-t-il dans ta tête? Je trouve ta requête bien indiscrète. Écoutez-les se confier devant nos yeux éberlués. Leur langue se délie et personne ne nie que s'envolent les soucis quand on dit. Que caches-tu derrière ta moustache? Il ne vaut mieux pas que tu le saches. Et qu'y a-t-il dans ta tête? Je trouve ta requête bien indiscrète. Quand on en a gros sur le cœur, on ne connaît pas le bonheur. On n'est pas sincère, on ne peut que se taire. Dévoiler les mystères nous libère. Que caches-tu derrière ta moustache? Il ne vaut mieux pas que tu le saches. Et qu'y a-t-il dans ta tête? Je trouve ta requête bien indiscrète. Ils ne se doutent pas que nous aussi, nous leur faisons des cacheteries. Et par-ci par-là, une blague, un mensonge, un silence, une boutade, une chanson. Que caches-tu dans tes silences? Quand tu te tais, à quoi tu penses? Et qu'y a-t-il derrière les mots? Ce qui parfois sonne faux. Je vais te dire ce que je sais, mais promets-moi de garder le secret. C'est le plus grand, le plus mystérieux, c'est que tu es bien trop curieux.